Ok. Accroche-toi, écoute ça. Initié au mic. Si dehors ça ne va pas, c'est que c'est chaud constamment. Parlons-en à tout le monde et dites-moi vos sentiments. Je t'explique qui nous sommes et comment ça se déroule. Faut débattre, c'est à mon tour de parler et à ma foule. Alors écoute, pas de présentation, je suis le même que toute la populace émergeant des HLM. Tu le vois, tous ces jeunes qui perturbent l'entourage partent en prison juste pour un peu de rage. L'orage fait la pluie et la souffrance fait les larmes. Normal qu'à force tout le monde prend les armes. Regarde les infos, leurs enquêtes de fous. Ils disent que de la merde, ouais, nous reprochent tout. C'est qu'on parle d'immigration et ça saoule. Car c'est pas de notre faute si la France s'écroule. Et oui, ça fait mal, la souffrance est atroce. Ça rend dingue et à force, on devient tous féroces. C'est ouf, je sais, mais tu sais, ça empire. Quand tu vois la politique qui ment, y'a rien de pire. Ils nous prennent pour des cons, disent qu'on les envahisse. Alors que c'est eux qui nous accueillent, Black Myth. Sans vous gêne, je le sais, je le vois dans vos yeux, bande de ouf sur ma tête. Qu'un jour ça va péter. Alors on traîne tous ensemble, vu qu'on se ressemble. On fait peur à tout le monde quand le soir on s'assemble. On nous dit y'a du travail, faut vraiment se bouger vite. Vu que c'est un mensonge, on procède à l'illicite. On deal de la drogue pour payer toutes les charges. Le loyer, le courant et le chauffage, ça rembarque. On travaille sans repos, puis on paye les impôts à plein pot. Et encore ces bouffons restent faux. N'oublie pas qu'une racaille t'assumer un travail. Mais nous, ces idiots nous considèrent comme du bétail. Une bande d'abrutis, d'incapables dans la vie. Alors qu'on est des hommes comme vous remplis d'envie. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Ça fait 200 ans qu'on attend ça. Ça énerve, je suis humain. Et je vous dis, j'ai des limites. Quand on se fout de notre gueule, c'est le mal qu'on imite. Et eux, ils gouvernent tous dans la politique. Ils touchent un salaire colossal, moi je les nique. À cause de la thune et des plaisirs impossibles. On crève alors pour eux, c'est l'État la seule cible. Ils grattent notre oseille pour édifier leur merveille. Après on est fauché, mais bon pour eux c'est pareil. À cause de tout ça, nos enfants braquent des banques. Ce qui montre à quel point c'est l'argent qui manque. Y'a toujours une raison, une cause à une faille. Et celle qui nous concerne, c'est l'injustice sur la maille. Ouais. Oui, c'est ça le blème pro, c'est l'argent. C'est vrai que ça rend heureux boy et ça pourrit les gens. Mon son est assez hot et il sera censuré. Oui, je sais car mes mots sont souvent démesurés. Je crois que c'est mort, que pour rien va s'arranger. Il est trop tard pour ça, on vous a trop dérangé. C'est triste, mais bon, l'habitude nous renforce. Et à force qu'on grandisse, on réunit toutes nos forces. Je rejette la faute sur les gars qui nous dirigent. Ces bourgeois qui bouffent du caviar depuis des biches. Alors viens pas me dire qu'on est juste de la racaille. Car c'est la pauvreté, il y en a pour toutes les tailles. Ça fait mal à tout le monde, pourtant j'aime la France. Mais bon, le système a tout niqué depuis l'enfance. Ouais. NIC sur le mic, c'est moi. Et je vous emmerde. Tout ce temps que vous êtes au Parlement là. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce tu crois? Qu'on va sauter de joie ou quoi?